nouveaux décors, nouvelles images qui s'impriment toujours de notre passage. Du Cap Horn au Cap Canaille, du Cap Lanet au Cap Grinet. Il y a des jours où l'on défaille, il y a parfois des mauvais caps à pas passer. Tout le monde a le droit de se tromper. Plusieurs vies dans une vie se sont tramées. Que l'homme